d'été approche et avec elle, pour beaucoup de personnes, l'heure du régime express pour perdre le maximum de poids avant d'enfiler le maillot. On ne dénombre plus la quantité de livres, de méthodes, de formules, toutes censées être plus miraculeuses les unes que les autres pour perdre quelques kilos. Mais que penser de ces régimes, qu'ils soient amincissants, détoxifiants, sans gluten, crudivores ? Quid des compléments alimentaires dont une étude récente montre le très faible intérêt physiologique ? Alors que dans 8 cas sur 10, les personnes qui ont effectué un régime finissent par retrouver leur poids initial, d'où nous vient cette tendance à la tyrannie nutritionnelle. Diète, en finir avec les régimes totalitaires, c'est le problème auquel nous allons nous atteler dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer donc ce rapport à la nourriture, la nature de ces régimes et de ces compléments alimentaires et leur effet sur notre métabolisme, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claire Godichon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'UMR Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire à AgroParisTech et à l'INRA. Et nous sommes en ligne depuis Nîmes avec Nicolas Sahuc. Bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes diététicien spécialiste des troubles du comportement alimentaire, praticien libéral et hospitalier au CHU de Montpellier. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture et en parallèle et en complément, non pas alimentaire mais intellectuel, sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Alors pour commencer, une question finalement relativement simple. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire un régime avant l'été, après tout, pour perdre quelques kilos accumulés pendant l'hiver, Claire Godichon ? Bon, on ne peut pas vraiment dire que c'est mal de faire un régime. Il faudrait que pouvoir prouver que ça a des effets délétères. Ensuite, comme tout régime, le problème, c'est souvent l'efficacité à long terme. Donc on en reparle, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais bon, perdre quelques kilos avant l'été, pourquoi pas. Mais le problème, c'est qu'après, souvent, on reprend son poids. Quoi. Nicolas Sahuc. Ben, en fait, le problème des régimes express, la plupart du temps, c'est que ça peut être une porte d'entrée dans une tyrannie de l'alimentation, dont le point de focalisation va être sur le poids et l'image du corps. Donc du coup, on peut très rapidement s'engrainer dans un rapport alimentaire difficile en voulant perdre quelques kilos avant l'été. Il y a ce régime express ou cette tradition du régime express avant l'été, c'est aussi parce que on sent souvent, on a l'impression, les uns comme les autres, d'avoir pris quelques kilos pendant l'hiver. Est-ce qu'il y a une réalité de ces quelques kilos pris avec l'effectivité de l'épidémiologie du surpoids en France, Nicolas Sahuc ? Ben, en tout cas, on peut voir que dans l'hiver, beaucoup de gens maintenant limitent un peu les activités physiques. C'est vrai, sortent moins, vont moins courir, etc. Donc on a tendance à avoir une prise de poids qui peut être expliquée comme cela. Et puis on a une culture française qui vaut que quand il fait froid, il faut manger chaud et manger bien. Donc on peut se retrouver dans ce contexte où on fait moins d'activités physiques avec une culture qui nous pousse à manger un peu plus. Claire Godichon, sur la réalité aujourd'hui du surpoids en France, à partir de quel moment est-ce qu'on est considéré objectivement comme en surpoids ? Ça veut dire quoi être en surpoids, alors il y a des critères, il y a un critère objectif qui est pris comme référence, c'est le rapport sur le poids sur la taille au carré. C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc entre, pour faire bref, entre 18 et 25, on considère que c'est un poids normal. Entre 25 et 30, on va considérer que c'est un surpoids. Et au-delà de 30, on va rentrer dans des critères d'obésité, alors plus ou moins importants. Voilà, c'est comme ça qu'on le définit. Et aujourd'hui, en France, quelle est la part de la population qui est effectivement ou en surpoids ou en obésité ? Alors, il y a une étude de suivi française qui s'appelle OBEPI. Donc, le taux d'obésité chez l'adulte, c'est 15%. C'est les gens qui sont au-delà de 30 d'indice de masse corporelle. Et si on prend surpoids plus obésité, c'est de l'ordre de 50-55%, je crois. Nicolas Sahuc, vous confirmez ces chiffres ? Oui, tout à fait. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, cette valeur de l'IMC, comme le disait Mme Godichon, c'est que entre 18 et 25, vous êtes dans une valeur sans trop de difficultés, on va dire, mais ça représente quasiment 13 à 14 kilos pour un même individu. Vous voyez, entre votre IMC santé bas, qui serait 18,5, et votre IMC santé haut, avant le surpoids, qui est à partir de 25, ça vous donne une plage de 13 kilos. Et c'est là où on peut avoir quelque chose un peu problématique, et c'est qu'on a beaucoup de la population qui est dans un rapport à ce poids et à l'image du corps compliqué, alors que l'IMC reste tout à fait dans des bonnes valeurs. Et c'est là aujourd'hui où on se retrouve face à ces régimes qui vont être problématiques, car ils sont mis dans des zones d'IMC qui ne sont pas problématiques. Mais comme on est insatisfait de son image du corps ou de son poids, on rentre dans ces régimes problématiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une cible particulière de ces régimes d'avant l'été, de ces régimes amincissants express, une partie de la population qui est plus touchée, plus concernée que d'autres, Nicolas Sahuc? Alors je dirais que préférentiellement la population féminine était plus touchée par ça, et on le remarque relativement très tôt chez les jeunes filles, chez les adolescentes à l'entrée du collège. On peut observer maintenant dans le domaine des troubles alimentaires que la population masculine est très touchée par ces images du corps et par toute cette publicité qu'on reçoit aujourd'hui, et qui fait qu'on a des jeunes hommes qui rentrent dans des pratiques alimentaires qui sont de plus en plus problématiques. Claire Godichon. Je pense que j'ai rien à ajouter. On voit effectivement que c'est quand même principalement les femmes. Mais c'est lié aussi à tout notre environnement sociologique et culturel, à ces normes du corps parfait. Donc c'est vrai que les femmes et les jeunes filles sont particulièrement sensibles à ça. Elles vont se mettre en bikini, elles ont envie d'être belles sur la plage. Et pour elles, belle, ça veut dire mince. Voilà. Ça, c'est un autre débat, un débat assez vaste, mais qu'on va pouvoir avoir éventuellement au cours de cette heure. Ça veut dire que aujourd'hui, pour que l'on comprenne bien les régimes dont on va parler aujourd'hui, ce sont des régimes qui sont plutôt à destination de personnes qui ne sont pas effectivement en surpoids, qui sont justement dans cette IMC très vaste que vous évoquiez, Nicolas Sahuc. Oui, c'est ça. C'est que maintenant, tout le monde est dans ce rapport au poids et cette pression socioculturelle des images. Vous ouvrez Instagram, vous ouvrez les journaux, vous avez une pression sur l'image du corps qui est assez développée. Comme on va dire que l'estime de soi chez l'individu est quelque chose d'assez fragile qui se construit avec le temps, il suffit que vous ayez un peu une faille d'estime de vous-même avec une influence importante des images, et vous pouvez très rapidement penser que vous pouvez améliorer votre estime en perdant du poids. C'est ce qu'on voit chez beaucoup de personnes qui ont des troubles alimentaires. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de dysmorphophobie, ou c'est aller un peu vite en besogne à votre avis? Alors oui, la dysmorphophobie, c'est très spécifique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est dans un état de maigreur assez important et qui ne va pas reconnaître cet état de maigreur. Ce qui n'est pas la même chose de quelqu'un qui a un poids tout à fait standard et qui s'estime trop gros comparé à son idéal esthétique. Et donc là, la personne va vouloir perdre du poids, mais on n'est pas dans un cas de dysmorphophobie. C'est vraiment spécifique des gens qui sont très minces et qui ne se voient pas très très minces. Allô? Oui, pardon, excusez-moi. Oui, non, tout à fait. On va continuer à parler de ces régimes amincissants tout au long de cette heure, et de la réalité des régimes amincissants. Nous en parlons tout au long de cette heure, donc en compagnie de Claire Godichon, qui est directrice de l'UMR Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire à AgroParisTech et à l'INRA, et en ligne avec nous depuis Nîmes avec Nicolas Sahuc, qui est diététicien spécialiste des troubles du comportement alimentaire, praticien notamment hospitalier au CHU de Montpellier. Alors, de quoi parle-t-on, Claire Godichon, quand on parle de régime, c'est-à-dire quel est le niveau de modification dans l'alimentation qui signifie qu'on est en train de faire un régime? Alors, des régimes alimentaires et notamment amaigrissants, il y en a beaucoup de sortes. Alors, normalement, un régime amaigrissant, c'est un régime où on va diminuer l'apport calorique. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des régimes amaigrissants qui sont plutôt basés sur juste des modifications de la composition nutritionnelle, et qui peuvent avoir pour effet aussi de provoquer une baisse de l'apport calorique, mais sans au départ imposer cette restriction. Donc en fait, il y a deux grands types de régimes. C'est les régimes restrictifs, c'est la majorité des régimes, et des régimes qui sont plutôt basés sur le fait de manger beaucoup, par exemple, d'un type d'aliments ou nutriments, et qui va faire qu'on va diminuer spontanément sa consommation. Et puis ensuite, dans ces régimes, vous avez, alors, vous distinguez des régimes hyperprotéiques, qui sont très souvent hypoglucidiques, faibles en glucides, mais vous pouvez aussi trouver des régimes hyperlipidiques, il y a un peu de tout. Et puis, il y a aussi des régimes qui sont basés sur de la restriction, on va dire, modérée et globale, tout en maintenant une alimentation équilibrée. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a une grande diversité de ces régimes alimentaires. Puis ensuite, vous pouvez trouver alors des régimes très particuliers, par exemple les régimes, les fameux régimes détox hein, dont on parle beaucoup, alors où on va se mettre plus qu'à consommer un type d'aliment sans rien consommer d'autre, mais ça, c'est des régimes très extrêmes. On va parler de ces différents types de régimes. Un mot, Nicolas Salus, peut-être sur ces différents types de régimes, comment est-ce que... Il y en a vraiment une grande variété, hein, quand je me suis plongé dans cette littérature, et c'est très difficile de démêler un peu le bon grain de l'ivraie. Est-ce que tous ces régimes sont à surveiller? Est-ce qu'ils sont tous potentiellement dangereux? Comment est-ce qu'on peut se retrouver dans cette forêt de régimes alimentaires? Bon, déjà, premièrement, je crois que c'est l'émetteur du régime qui est à questionner. Est-ce que la personne qui vous a proposé un régime, ou là vous avez trouvé la source de votre régime, est-ce que c'est un professionnel de santé? Premièrement, si la personne qui vous donne le régime ou donne l'information n'est pas professionnelle de santé, on peut poser la question de suite de la validité scientifique de ce régime. Et ça, c'est très problématique aujourd'hui parce que beaucoup de gens partagent et diffusent des informations sur des régimes, sur le bon manger, le bien manger, sans avoir de validité scientifique, ce qui fait que les gens s'approprient des choses et qui vont avoir une incidence sur leur fonctionnement du corps. Vous l'avez dit à l'instant, beaucoup de régimes vont proposer d'arrêter de manger du pain et des féculents, ce qui fait que vous allez être souvent en hypoglycémie, et puis lorsque nous sommes en hypoglycémie, ben, l'envie de manger du sucré, le fait de penser à la nourriture va être lié à cet état hypoglycémique. Et vous avez ces paradoxes où vous voulez perdre du poids, vous réduisez votre alimentation, vous tombez plus fréquemment en hypoglycémie et vous augmentez votre temps pensé à la nourriture. Et c'est là où on rentre dans des mécaniques un peu obsessionnelles et qui posent problème. Sur la source de ces régimes, Claire Goychon, vous vouliez dire un mot sur la notion de coach alimentaire un peu autoproclamé dont il faut se méfier beaucoup. Ouais, hein. Moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut quand même, quand on fait ce genre de régime, c'est mieux d'être encadré par un professionnel de santé. Donc soit pour ça, c'est soit des médecins, soit des diététiciens, diététiciennes. Et il faut vraiment se méfier du coaching nutritionnel puisque ce sont des gens qui peuvent n'avoir aucune formation en nutrition et qui peuvent prôner des régimes ou des habitudes alimentaires déjà qui ne sont pas fondées et puis en plus qui peuvent avoir des conséquences. Avant l'été, on parle souvent, alors avant d'en arriver au régime express, au régime un peu costaud, du régime classique blanc de poulet, salade, fromage blanc allégé, c'est un grand classique aujourd'hui, ça fonctionne, ça sert à rien, est-ce qu'il y a une littérature scientifique à ce propos? Est-ce qu'on peut juste faire un petit régime en décidant d'arrêter de manger des frites par exemple à tous les repas? Est-ce que c'est juste plutôt bon signe de s'occuper de sa santé alimentaire comme ça, Nicolas Sahuc? Tant que vous n'avez pas d'obsession alimentaire, tant que vous n'avez pas une altération de votre qualité de vie, on peut dire que le régime est plus ou moins toléré. C'est lorsque vous rentrez dans une difficulté du quotidien. Vous ne pouvez pas vous lever sans vous peser ou penser au poids ou à ce que vous allez manger dans votre journée. Vous anticipez tous vos repas, vous calculez comment éliminer ces calories que vous avez mangées au dernier repas. Lorsque vous rentrez dans cette altération de la qualité de vie, on peut dire que les régimes sont très problématiques. Lorsque ça reste sur quelque chose d'un peu cohérent, mis en marche dans une hygiène de vie, mais qui ne rentre pas dans cette obsessionnalité, ni dans une altération de la qualité de vie, on voit que les régimes sont nettement moins problématiques. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une perte de poids acceptable et une autre qui est inacceptable? Est-ce que perdre 1, 2 kilos, 3 kilos, est-ce qu'il y a des limites physiologiques à la perte de poids qu'il faut surveiller aussi, Claire Goychon? Tout dépend du poids qu'on a au départ, hein, puisque bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui est en léger surpoids, c'est peut-être pas la peine que cette personne se mette dans la tête de perdre 10 ou 15 kilos. Hein, peut-être que 2, 3, ça suffit. Bon, après, c'est pas la même chose pour les gens qui ont une obésité massive. Hein, donc là, bien sûr, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles et les mêmes objectifs en termes de perte de poids. Donc on peut pas généraliser. Donc. Nicolas Sahuc, sur cette notion de la perte de poids, quand on est dans un IMC qui n'est pas celui de l'obésité, qu'on est soit dans un IMC normal, soit en léger surpoids. Voilà, comme je vous ai expliqué au début de l'émission, on pensait que la marge entre un IMC à 18,5 avant la dénutrition ou l'état de maigreur et un IMC avant le surpoids qui est au-dessus de 25, ça peut représenter jusqu'à 13-14 kilos chez les femmes et un peu plus chez les hommes. Donc on a quand même un delta de perte de poids qui est acceptable sans qu'il y ait vraiment de difficulté. À nouveau, c'est pas que la perte de poids qui est problématique dans cette histoire de régime. Il faut vraiment comprendre que c'est l'altération de la qualité de vie, le caractère obsessionnel, l'organisation qui se met autour de l'alimentation, les difficultés à gérer son image du corps dans le miroir, dans la manière de vous habiller, qui viennent engendrer quelque chose de pathologique et de problématique et qui nécessitera un soin spécifique. Je l'évoquais hein, dans l'introduction. Qu'est-ce que c'est que l'effet yo-yo, Claire Godichon ? Parce qu'on parle souvent de ça et on dit que ces régimes, ils terminent quasiment tous, en tout cas une large majorité, j'ai trouvé jusqu'à 8 fois sur 10, par une reprise au moins équivalente, si ce n'est supérieure, de poids. Qu'est-ce que ça veut dire en termes physiologiques déjà ? Vous l'avez dit, hein, l'effet yo-yo, c'est le fait de reprendre et de passer au-dessus de son poids de départ. Donc c'est la problématique principale hein, de ces régimes, c'est-à-dire que vous faites n'importe quel type de régime alimentaire, la plupart du temps vous allez perdre quelques kilos, en gros tous les régimes peuvent marcher. Hein. Mais par contre, la situation d'échec consiste au fait que la plupart des gens reprennent leur poids. Et ce qui se passe quand on est en restriction énergétique, il y a un signal, hein, votre organisme reçoit un signal comme quoi il y a un déficit d'énergie par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc, on a des systèmes métaboliques qui sont très efficaces, qui se mettent à l'économie. Et donc, on réduit ce qu'on appelle son métabolisme de base. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous réduisez votre dépense énergétique. Et cette réduction de métabolisme de base, elle peut perdurer, même une fois qu'on a terminé le régime. Et ça peut, alors ça n'explique pas tout, hein, mais ça peut expliquer en partie le fait non seulement qu'on reprenne son poids de départ, mais qu'on puisse passer au-dessus de ce poids de départ, parce que justement, on a une dépense énergétique moins faible. Plus faible. Plus faible, oui. J'ai lu, Nicolas, c'est vrai qu'on parlait pour la régulation de tous ces mécanismes-là, de pondérostat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce pondérostat ? Ce serait une idée comme quoi notre poids serait programmé génétiquement, quel que soit notre mode alimentaire, et qu'on reviendrait toujours à ce poids-là lorsqu'on a une alimentation, on va dire, globalement adaptée, saine, en fonction de notre ressenti de faim et de nos apports énergétiques. Donc aujourd'hui, on est un peu sur cette idée, est-ce qu'il y aurait un pondérostat dans lequel le poids des patients reviendrait à chaque fois qu'ils arrêteraient un régime ou quoi. Pour compléter ce que disait Madame Godichaud, je dirais que les régimes yo-yo crée une autre problématique, c'est que le patient, qu'il soit à son poids le plus élevé, avec une souffrance esthétique et une souffrance physiologique, on pourrait dire, lorsqu'il va perdre tout son poids et qu'il va atteindre son poids désiré, donc au plus bas de ce poids, ça ne veut pas dire qu'il est bien et serein dans son rapport à l'alimentation, parce qu'il va glisser d'un état où je mange moins pour perdre du poids à un état où maintenant que j'ai mon poids désiré, je vais manger pour ne plus regrossir. Et finalement, que vous soyez à votre poids le plus haut ou votre poids le plus bas dans le yo-yo, finalement, vous êtes toujours dans un rapport problématique à la nourriture. Claire Godichon. Oui, puis on peut aussi ajouter à ça, hein, dans l'effet yo-yo, c'est ce qu'on appelle la désinhibition. Hein, une fois qu'on a subi une restriction alimentaire sur une durée plus ou moins longue, le phénomène de désinhibition consiste à se lâcher. Et donc on va craquer. Hein. Le fait de se restreindre sur une durée assez longue est très très difficile à tenir. Hein. Donc c'est pour ça que les régimes ils doivent être très acceptables, parce que si c'est trop contraignant, on risque de craquer. Et quand on craque, d'ailleurs, on mange encore plus pour se punir parce qu'on n'est pas content de soi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en plus, par rapport à ça, il faut éviter de rentrer dans une logique où la nourriture, où on commence à entretenir, Nicolas Sahut, qui a un rapport punitif avec la nourriture. Alors, la notion de culpabilité est un peu plus problématique. On essaiera d'en discuter un peu plus tardivement sur cette notion de morale vis-à-vis de cela, de la culpabilité. Forcément, dès qu'on est dans ce rapport à l'alimentation qui devient tout tourne autour du poids, il faut bien comprendre. Dès que ça tourne autour du poids, de l'image du corps, votre rapport à l'alimentation ne devient plus serein. Simplement parce que les gens ont tendance à confondre qu'est-ce qu'un organisme avec son propre fonctionnement et une représentation du poids et de l'image du corps qu'ils veulent obtenir. Et cette distinction est importante à comprendre parce que les gens peuvent mettre en place des régimes pour perdre du poids, mais d'un côté, dégradent leur organisme par une alimentation qui va être inadaptée. J'ai trouvé une étude que j'aimerais, alors je ne sais pas si vous la connaissez ou si vous y avez eu accès, une étude du Journal of American Medical Association qui date de février 2018 sur 609 personnes en surpoids ou obèses. Hein, sont donc des gens dont l'IMC est supérieur à 25 ou 30, dont 57% de femmes, que l'on a 609 personnes hein, que l'on a mis à un régime pauvre en graisse ou en sucre pendant un an et avec au bout d'un an pas de différence significative sur l'évolution du poids des deux groupes. Ça veut dire que simplement supprimer les graisses et les sucres, ça n'est pas suffisant pour réussir à faire à entrer dans une logique de perte de poids durable. Nicolas Sahuc, peut-être. Oui, je dirais que déjà ça peut déculpabiliser les gens. Je reviens sur cette culpabilité. Ça peut déculpabiliser les gens et les décomplexer vis-à-vis de la nourriture. Je pense qu'il faut aborder les choses un peu plus complètes, de manière complète aujourd'hui. Il faut intégrer ces notions de faim et de rassasiement. Aujourd'hui, nous avons une société qui nous impose et une éducation qui nous impose de manger à des heures fixes, ce qui ne correspond pas forcément à notre temps biologique. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours faim au moment où il est nécessaire de manger. Donc il faut re-questionner un petit peu toutes ces études qui n'ont pas eu tendance à exploiter la notion du ressenti corporel concernant la faim. Il faut poser la question, est-ce que quand je n'ai pas faim, faut-il ou pas déjeuner? À mon sens, aujourd'hui, je fais passer l'organisme avant et je conseille plutôt aux patients de ne pas manger puisqu'ils ne sont pas en état physiologique de recevoir de la nourriture. Un mot sur Claire Godichon, soit sur cette étude ou sur jusqu'où en fait ces régimes qui sont basés sur des formes de privation ou de restrictions assez sévères peuvent avoir des effets néfastes sur l'organisme. Alors là, ce que mentionne cette étude, c'est pas forcément un effet néfaste, hein, mais c'est il n'y a pas de bénéfice par rapport au groupe contrôle. Alors, il n'y a pas de bénéfice. Alors, je ne connais pas l'étude. C'est le niveau énergétique est le même dans les deux groupes Faudrait que je retrouve et je n'ai pas toutes mes études. Par exemple, ce que j'ai en tête, c'est une étude de 2009 hein, du Lancet, l'étude de Sachs, où c'est des suivis, des régimes sur deux ans, où on manipule les apports de macronutriments avec une restriction énergétique et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune différence entre les groupes parce que ce qui prévaut c'est le niveau de restriction qu'on applique. Je ne connais pas celle-là. Je pense que c'est le cas. C'est deux régimes qui sont l'un pauvre en graisse, l'autre pauvre en sucre, mais avec apport énergétique. C'est assez connu. C'est que quelle que soit la composition du régime, à apport énergétique égal, c'est la restriction énergétique qui prévaut pour l'efficacité. Très bien. Donc ça c'est une chose. L'autre question que je vais vous reposer à tous les deux, c'est finalement jusqu'où ces régimes, lorsqu'ils sont extrêmes, lorsque ce sont des régimes restrictifs assez sévères, comment et jusqu'où peuvent aller les effets néfastes sur l'organisme, Claire Godichon? Pour les régimes sévères, les effets néfastes, c'est si on fait, alors en dehors, hein, je pense des effets sur le comportement alimentaire, sur les troubles associés, mais là, je laisserai Nicolas Sahuc se prononcer là-dessus. Si c'est des régimes qui sont à quand même moyen terme, on va dire, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Et un des risques, quand même, c'est déjà de déstructurer l'alimentation et c'est que les gens perdent leurs repères au niveau nutritionnel. Hein, c'est-à-dire, un coup, je ne mange plus que de l'ananas, un coup, je vais manger plus que je vais boire des jus de citron, des choses comme ça. Et ça crée vraiment des déséquilibres de l'alimentation et puis des pertes de repères alimentaires. Donc c'est quand même un effet néfaste. Alors ensuite, des effets sur la santé. Je suis pas au courant d'effets dramatiques qu'il aurait pu y avoir sur ce type de régime, mais en tout cas, c'est sûr que les pratiquer de manière régulière, c'est pas bon du tout. Nicolas, c'est sur cette question. Oui, forcément. Comme les aliments sont riches de micronutriments, lorsque vous allez sélectionner qu'une alimentation particulière, vous allez vous priver de ces micronutriments. Donc, vous pouvez avoir des conséquences qui sont pas très problématiques. Vous allez avoir un peu les cheveux qui vont tomber, vous allez avoir les ongles cassent. Mais vous allez surtout, lorsque la restriction est importante, et là, je pense à toutes mes patientes que je suis qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, vous avez le redéveloppement de l'anémie. Hugo, c'est ces poils qui se redéveloppent parce que vous avez la température corporelle qui tombe, vous avez la disparition du cycle menstruel, ou donc vous avez une dégradation de l'os aussi qui va apparaître. Donc vous voyez, lorsque les régimes vont être pousser longtemps, vous allez avoir une dégradation sévère de l'organisme. Lorsque ça reste dans des temps relativement courts, je dirais que l'impact n'est pas très élevé, et puis avec l'alimentation qui va reprendre ses droits, de toute manière, vous allez compenser les déficits. Mais c'est plutôt lorsque ces régimes sont produits pendant très longtemps et très restrictifs, où là, on observe des dégradations sévères de l'organisme. Encore un mot sur ces régimes qui proposent donc des formules express avec une forte modification des équilibres alimentaires. On pense évidemment à l'un des plus célèbres de ces régimes, qui est le régime Dukan, qui proposait un apport en protéines extrêmement poussé pendant les premières semaines. Que faut-il penser justement de l'effet à moyen ou à court terme sur l'organisme quand on bouleverse à ce point-là l'équilibre des nutriments qu'on lui apporte, Claire Godichon? À court terme, encore une fois, on n'a pas de preuve que ce soit néfaste. Alors sur ce type de régime très très riche en protéines, basé quand même beaucoup sur la consommation de viande, de poisson, le problème essentiel, c'est que c'est des produits qui n'ont pratiquement pas de végétaux. Donc pas de fibres, donc on connaît un certain nombre de, on va dire, de complications bénignes, mais quand même constipation par exemple. Ensuite, les effets à long terme, c'est encore une fois une déstructuration des repères nutritionnels. C'est-à-dire on arrive quand même à plus de 30 ou 40% de protéines dans l'alimentation. Ce qui n'est quand même pas souhaitable. Hein. On est plutôt de l'ordre, on a une marge assez importante en protéines, on peut monter à 20%, bon, on va dire sans problème, mais c'est peut-être pas la peine de consommer des régimes qui sont aussi riches en protéines sur une longue durée. Nicolas Sahuc, sur ces régimes très protéinés par exemple? Ce régime protéiné, en effet, comme on vient de dire, ce qui pose plutôt problème, c'est en plus de tout ce qui a été dit, c'est que ces régimes vont être pauvres en glucides, donc obligatoirement le fait d'être toujours en hypoglycémie va et en adaptation métabolique obligatoirement, va vous engendrer toujours une obsession à penser à la nourriture et les aliments sucrés. Il y a une étude qu'il faut absolument connaître quand on veut parler de ces problématiques de régime sur le long terme. Ça a été une étude qui a été faite dans les années 40-45 par un monsieur qui s'appelait Case, et c'est l'étude de la Minnesota Semi-Starvation Experiment. Et cette étude est relativement intéressante parce qu'elle a pris des jeunes hommes qui étaient objecteurs de conscience, dans lequel ils ont maintenu sur un régime alimentaire contenant des féculents, j'insiste bien là-dessus, et ils avaient mis un niveau énergétique à leur métabolisme de base. Donc, en mettant ce régime alimentaire au métabolisme de base, il leur avait fait pratiquer de l'activité physique à outrance. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé principalement des désordres psychologiques chez ces patients. Ces sujets sont devenus obsessionnels de la nourriture, ils échangeaient des recettes de cuisine, ils parlaient de bouffe à chaque instant. Il y a eu lors de la réalimentation, il y a eu des crises de boulimie, il y a eu des mutilations sur le plan psychologique, il y avait un désintérêt sexuel, on s'est retrouvé avec une impossibilité de se juger positivement, des sources d'anxiété et un isolement social. Donc on peut voir en fait que se sous-alimenter à travers ces régimes ont deux impacts. Ils ont un impact premièrement sur l'organisme directement, perte des cheveux, les ongles qui deviennent cassants, la peau qui devient de plus en plus sèche, etc., perte des règles et autres. Et de l'autre côté, on a une incidence qui est psychologique, sur laquelle on va avoir un jugement sur soi un peu plus difficile, on va avoir un isolement social, on va avoir une obsession sur la nourriture qui apparaît. Donc on ne peut pas négliger le côté très négatif de ces régimes. Claire Godichon. J'ajouterais là sur cette fameuse étude spectaculaire, ils sont ressortis quand même très maigres. Donc, on va vous mettre un lien sur le site, sur Twitter. D'ailleurs, ce qui est étonnant, puisque effectivement on regarde, ils ont quand même, ils sont pas en restriction totale. Ils ont quand même. Mais alors le fait de pratiquer une activité physique en même temps, mais ils ressortent, c'est quand même assez incroyable. Ils sont hyper maigres. Quoi. On va vous mettre un lien vers cette étude sur le fil Twitter. l'émission, j'aimerais peut-être vous dire aussi quelque chose à propos de ces régimes qui sont souvent liés à des personnalités fortes. On parlait du régime Ducamp, par exemple, et ces personnalités fortes qui sont aussi des personnalités contestées, qui là aussi, bah, ça complexifie un peu le rapport que l'on peut avoir à ces régimes. Écoutez cette archive qui date du 16 mai 2012, c'était sur le journal de France Inter. Le docteur Ducamp n'est plus médecin. Le célèbre nutritionniste a décidé lui-même de se radier de l'ordre des médecins. Il faut dire qu'il était en froid avec le conseil de l'ordre, Daniel Messager, car sa célèbre méthode pour maigrir ne fait pas l'unanimité chez les médecins. Oui, ces médecins, en mars dernier, avaient déposé deux plaintes contre lui. L'une émanant du conseil départemental, car le docteur Ducamp était inscrit à Paris, sur sa proposition pour le moins farfelue d'octroyer des points supplémentaires au bac, aux lycéens n'ayant pas pris de poids pendant leur scolarité. Une autre du Conseil national sur le fait que la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. En se radiant, il pensait peut-être se soustraire aux procédures disciplinaires entraînées par ses plaintes. Perdu, ça ne change rien à l'affaire. La chambre disciplinaire devrait se réunir dans les 3 mois. En attendant, Pierre Ducamp, qui évoquait un acharnement contre lui, peut tout à fait continuer à délivrer sa méthode, qui n'a rien de scientifique, dit-on à l'ordre, et peut même se faire toujours appeler docteur, car c'est un diplôme d'État et on le garde à vie. Voilà, ces médecins qui proposent des méthodes d'amaigrissement et qui sont parfois des figures contestées à force de vouloir construire sa carrière sur une méthode et sur une méthode forcément très spectaculaire. Ça délégitime d'une certaine façon l'approche de ces régimes ou en tout cas leur vraie portée scientifique, à votre avis, Nicolas Sahuc? Je crois que malheureusement, ça ne permet pas aux gens de distinguer les bonnes pratiques professionnelles. C'est que encore aujourd'hui, j'entends en consultation, mais quoi, vous ne me donnez pas un régime pour perdre du poids? Je crois qu'on a vraiment une idée reçue à faire passer à la population que les diététiciens, les nutritionnistes, nous ne sommes pas que donneurs de régime. Premièrement, nous avons notre travail de clinicien à faire dans un premier temps, d'observer qu'est-ce qui pose problème. Et le régime n'est pas toujours la solution à la réussite d'une perte de poids. Vous pouvez travailler sur les sensations alimentaires, comme je l'expliquais tout à l'heure. Déjà, de rééduquer d'un point de vue nutritionnel à faire manger les gens quand ils ont faim. Et ça, c'est un peu plus du bon sens que finalement toujours trouver une méthode, une technique qui est particulière. Claire Godichon, à ce propos. Ça met un peu à mal ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, on disait qu'il fallait quand même se faire encadrer par un professionnel de santé, mais on sait qu'aussi il y a des professionnels de santé qui prescrivent justement des régimes drastiques, hein, puisque celui-là en est un. Donc c'est pas évident, hein, pour les gens de faire la part des choses et de savoir qui aller voir. Mais c'est vrai que un petit peu de bon sens, dès lors que le régime est très déséquilibré, exclut vraiment une grande partie des aliments, moi je pense qu'il faut quand même se méfier. You're coming slow, I hear you so bad. I gotta love your fame. I love you slow, you're feeling so fast. You gotta love this place. What in a sight, coming to focus. Don't wanna lose your face. Hold your mouth, but feel it invaded, fading from your blood. It's right. Gate, ressentir son poids de rail sur France Culture dans la méthode scientifique à 16h35, puisque nous parlons de la question des régimes, notamment des régimes amincissants, mais pas uniquement. Nous allons parler d'autres types de régimes, comme les régimes détox, qui sont très en vogue en ce moment, de savoir quels sont leurs fondements scientifiques et éventuellement, dans certains cas, leur dangerosité. Nous en parlons avec Claire Godichon, qui est directrice de l'UMR Physiologie de la Nutrition et du Comportement Alimentaire à AgroParisTech et à l'INRA, et avec, depuis Nîmes, par téléphone, Nicolas Sahuquet, qui est diététicien spécialiste des troubles du comportement alimentaire, praticien libéral et hospitalier au CHU de Montpellier. Alors, bien souvent à l'origine des régimes, il y a, on l'a dit dans la première partie de cette émission, des désordres, des habitudes alimentaires à différents niveaux. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous souffrons de ce qu'on appelle les TCA, les troubles du comportement alimentaire ? Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est ce que vous avez voulu comprendre au laboratoire physiologie de la nutrition et du comportement alimentaire d'AgroParisTech. Oui, pour comprendre un peu ce qui se passe dans la tête d'une personne qui a un comportement alimentaire anormal, je suis allée voir Nicolas Darcel. Il est chercheur en neurosciences comportementales de l'alimentation, c'est-à-dire qu'il étudie les mécanismes cérébraux qu'il y a derrière les comportements alimentaires, en particulier les comportements de surconsommation, là où la notion de plaisir alimentaire devient centrale. Et dans une étude, son équipe a montré que cette tendance pourrait être liée à une sensibilité accrue à la récompense et à un déficit du contrôle de la faim. Ma discipline, c'est les neurosciences comportementales. Donc, j'essaie de comprendre comment le cerveau produit des comportements et quels sont les mécanismes, les processus mentaux qu'il y a derrière les comportements alimentaires. On va regarder, par exemple, si les gens préfèrent prendre un aliment gras et sucré à un moment donné plutôt qu'un aliment plus sain ou plus vertueux, entre guillemets, d'un point de vue nutritionnel. Et on va essayer de comprendre pourquoi, à ce moment-là, ils ont fait ce choix et quel a été le processus mental qui a abouti à ce choix-là. Donc on part d'observation et on va jusqu'à du neurone, essayer de comprendre quelle est la petite mécanique cérébrale qui a produit ce choix-là. Comment vous exploitez ces données-là pour de l'aide clinique ou tout simplement dans le cadre d'un régime pour que les personnes puissent mieux arriver à maîtriser leur comportement ? Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier quels sont les processus mentaux qui vont être mobilisés. Et nos approches, notamment en imagerie cérébrale, nous permettent de décortiquer ce qui a produit le choix. Est-ce que c'est simplement un signal plutôt physiologique, hein, de « j'ai besoin d'énergie, du coup je vais m'orienter vers l'aliment qui est le plus dense en énergie ?» Ou est-ce que c'est autre chose ? Par exemple, j'ai pas besoin d'énergie, mais j'ai besoin de plaisir alimentaire pour une raison. Je suis stressé, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'une récompense. Et ça, nous, on est capable de décortiquer, de faire la part des choses. Qu'est-ce qui, dans le comportement, relève de la satisfaction d'un besoin physiologique ? Et puis, qu'est-ce qui, dans le comportement qui a été mis en œuvre, relève plutôt de la recherche de plaisir ? Sur la question du goût, est-ce que c'est un critère aussi qui est déterminant dans la prise alimentaire ? Alors, on n'a pas tous les mêmes goûts. Du coup, on n'a pas les mêmes préférences. Du coup, on ne mange pas les mêmes choses. Du coup, on n'est pas tous exposés aux mêmes risques. Ensuite, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas égaux, sur notre sensibilité à la récompense. Non seulement on ne sent pas le sucre de la même façon, mais en plus, l'importance qu'on va accorder à la satisfaction sensorielle associée au goût sucré, elle va être très différente d'un individu à l'autre. Et ça, c'est assez bien corrélé à une propension à gagner du poids, à être en surpoids ou à développer une obésité. Sur les troubles alimentaires, comme la surconsommation d'aliments et l'obésité, comment vous travaillez pour comprendre d'un point de vue neurosciences, enfin, ou comportemental, cette pathologie ? Alors, on part généralement de situations relativement simples, des observations de comportements en situations les plus réalistes possibles. Donc on propose à des enfants de jouer à un jeu vidéo très simple dans lequel ils ont la possibilité de pousser une porte pour obtenir une récompense. Et plus ils avancent dans le jeu vidéo, plus la probabilité qu'il y ait une récompense derrière la porte est faible, et plus la probabilité pour qu'il y ait une punition derrière la porte, donc alors c'est simplement matérialisé soit par un smiley qui sourit, soit par un smiley qui fait une grimace, cette probabilité d'avoir une punition augmente, et on demande aux enfants de maximiser leur gain, grosso modo, hein, de jouer jusqu'à ce qu'ils estiment avoir eu suffisamment de récompenses et faire en sorte d'avoir le moins de punitions possible. Et donc, plus les enfants sont joueurs, plus les enfants vont loin dans le jeu, c'est-à-dire plus ils acceptent de prendre des risques pour obtenir une récompense, plus ils vont être sensibles à la récompense, enfin, on va les catégoriser comme sensibles à la récompense. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le nombre de portes qu'ils vont pousser dans ce jeu est très bien corrélé à leur propension à gagner du poids par la suite. Donc, ce que ça montre, c'est que dans au moins une bonne partie des problèmes de surpoids et d'obésité, y compris chez les enfants, c'est pas tant un problème physiologique, mais c'est probablement beaucoup plus des questions de sensibilité à la récompense. Attention, il faut être très prudent sur l'interprétation de ces résultats. C'est un trait comportemental qui permet d'expliquer une partie des phénomènes de surpoids et d'obésité. On va essayer d'isoler un critère parmi beaucoup d'autres. Donc, on est dans des situations qui sont clairement pas très réalistes. Là, on est face à un jeu vidéo, on n'est pas en situation de consommation. Mais c'est pour nous le seul moyen de nous intéresser et de quantifier un peu finement ce trait comportemental-là. Donc, c'est un des facteurs qui peut expliquer que dans certaines situations de pléthore d'aliments gras et sucrés, certaines personnes vont se mettre à surconsommer ces aliments gras et sucrés et être en surpoids ou développer une obésité. Voilà le reportage du jour sur les liens entre neurosciences et troubles du comportement alimentaire. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Nicolas Sahuc, peut-être pour commencer. Oui, alors je voulais apporter une précision parce qu'il y a une petite erreur dans le reportage. Surpoids et obésité ne sont pas considérés comme des troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire sont définis par un manuel de diagnostic des maladies mentales. Vous avez l'anorexie, la boulimie principalement, qui sont les deux grandes maladies connues. Ensuite, vous avez l'hyperphagie boulimique qui existe aussi. Et ensuite, vous avez d'autres petites déclinaisons qui existent. Attention, ça veut dire que chez les personnes souffrant d'obésité, on peut retrouver donc certains TCA. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes obèses ou en surpoids souffrent de TCA. Il y a une vraie distinction quant au suivi, etc. Mmh. Ah, ensuite, concernant les neurosciences, travaillant avec des équipes, mes collègues du CHU travaillent aussi en neurosciences, et moi je vous dirais que je vais prendre ma casquette de philosophe puisque j'ai un master en éthique médicale et en philosophie, donc du coup on vient questionner les mêmes choses, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un processus de choix, qu'est-ce qu'une décision, et les neurosciences nous expliquent beaucoup d'informations sur une partie, je dirais, mécanique du corps, et puis ben, la philosophie comme la psychologie peut apporter d'autres réponses qui viennent se compléter, et on a besoin des deux des deux domaines pour pouvoir mieux aider et comprendre ces mécaniques de comportement alimentaire. Claire Godichon sur ce reportage. Oui, donc ce qu'on voit dans ce reportage, enfin ce qu'on entend, pardon, c'est tout l'impact des recherches actuellement dans le domaine des neurosciences comportementales pour essayer aussi de comprendre une des facettes de la propension à prendre un poids excessif ou à devenir obèse. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait un peu de la partie métabolique. Ben, y a des gens qui ont une dépense énergétique moins importante. Bon, enfin, il y a énormément de facettes. Et cet aspect de neurosciences et d'étudier plusieurs aires cérébrales, et notamment ici par l'intermédiaire des circuits de la récompense, c'est quelque chose de très important. Il y a beaucoup d'études actuellement là-dessus. Alors évidemment, comme vient de le rappeler justement Nicolas Sahuc, qu'il faut être précis, hein, les troubles du comportement alimentaire, ce sont des maladies diagnostiquées, identifiées, mais on parle de ces TCA comme des TCA sévères. Est-ce que nous ne sommes pas arrivés à une époque où nous souffrons tous aujourd'hui d'une certaine forme de distorsion, en tout cas de nos comportements alimentaires, parce qu'on a parlé tout à l'heure des régimes et des régimes express et des régimes parfois assez sévères pour perdre du poids très très rapidement avant l'été, mais on voit se développer toute une palette de modifications de nos habitudes alimentaires, d'ailleurs indépendamment par ailleurs de notre rapport au poids, mais de notre rapport à la nature des aliments que nous voulons manger. On peut parler évidemment des régimes végétariens, des régimes végétaliens ou véganes. On peut parler également des régimes détox qui sont de plus en plus vendus. vendue, de plus en plus devenue une marque de commercialisation d'un certain nombre de produits, y compris de régimes qui peuvent aller parfois dans des formes relativement sévères. Nicolas Sahuc, que pensez-vous de ces différentes modifications de nos habitudes alimentaires collectives ? Ben, elles sont nécessaires sur certains points. Il faut se questionner sur notre façon de produire et de consommer les aliments. Ça, c'est important de le distinguer. Mais ensuite, il faut questionner, si vous voulez, c'est un peu l'histoire des inconnus dans leur sketch, vous savez, le bon et le mauvais chasseur. Mm-hmm. C'est-à-dire que dans les deux cas, vous allez avoir quelqu'un qui va avoir une attitude alimentaire de consommer un aliment, sauf que dans un cas, nous sommes face à un trouble alimentaire et de l'autre côté, nous ne le sommes pas. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vraiment le retentissement sur la qualité de vie de l'individu qui va être mise en avant dans la problématique d'un trouble alimentaire. Lorsque ça reste dans une hygiène de vie sans avoir d'altération de cette qualité, c'est-à-dire que vous acceptez d'aller manger chez des amis sans apporter votre Tupperware, si vous acceptez d'aller chez des amis et qu'il y a de la viande ou pas de la viande, mais que vous acceptez de le manger parce que ça fait entorse à votre régime végétarien, je trouve qu'il y a une flexibilité et une adaptation. C'est lorsque vous avez plus cette capacité de vous rendre flexible, c'est-à-dire cette rigidité avec cet envahissement quotidien de la nourriture, que là, nous sommes face à un trouble alimentaire. Donc c'est vrai, aujourd'hui, c'est très difficile de voir est-ce que quelqu'un qui a un désir de végétarisme aujourd'hui est dans une démarche, je dirais, logique, adaptée, éthique, philosophique, politique, ou est-ce qu'on est face à un trouble alimentaire. Il y a une étude qui avait été menée par une Américaine qui s'appelle Mark Steiner, qui avait étudié chez ses patientes avec un trouble alimentaire. Chez les patientes qui étaient végétariennes, plus de 33% l'étaient seulement pour contrôler le poids, contre 11% dans une démarche éthique. Donc ça vient questionner cette notion d'intentionnalité dans la pratique d'un régime. Claire Godichon. Oui, je suis d'accord hein, qu'il y a tout un... D'abord, il y a beaucoup de motivations différentes face à ces régimes, hein, des régimes qui peuvent être éthiques, voire idéologiques. Bien sûr. Et puis ensuite, il y a des gens qui pratiquent des régimes d'exclusion. Alors, soit parce qu'ils ont repéré un ou des aliments qui leur conviennent pas, soit parce qu'ils pensent que ces aliments sont mauvais. Et... Donc effectivement, je pense qu'on a toute une palette, hein, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de tâtonner, se dire « bon, ben, ça peut-être que c'est ça qui me fait mal », et puis des gens qui vont être convaincus et qui peuvent avoir des comportements extrêmement rigides hein, face à ces pratiques alimentaires. Alors moi, encore une fois, hein, je suis pas du tout spécialiste des troubles du comportement alimentaire, mais souvent je me dis, en observant certains comportements, dire que c'est une manifestation, ça ressemble à une manifestation d'un trouble du comportement alimentaire. On voit par exemple ce que vous évoquez sur la question du gluten et des intolérances au gluten, dont on sait qu'une large partie, je crois jusqu'à une personne sur cinq, je parle sous votre contrôle, s'est auto-décrétée intolérante au gluten sans avis médical. Il y a là aussi une forme de distorsion quand même de notre rapport à l'alimentation, Nicolas Sahuc. Oui, tout à fait. Et puis Madame Godichon le disait bien dès le départ, c'est que nous avons une sensibilité qui est propre à chacun, c'est-à-dire qu'un aliment que vous pouvez tolérer jusqu'à un certain temps de votre vie, vous allez moins le tolérer plus tardivement. Donc il faut aussi décomplexer un peu tout ça. Là où vous allez acheter vos aliments, votre modalité alimentaire aussi va agir sur tout ça. Vous savez, des gens qui se mettent dans des pratiques de régime bien souvent exclus des groupes d'aliments entiers vont se retrouver préférentiellement avec des aliments qui sont riches en crudités. Enfin, vous voyez, ça va être des végétaux. Donc forcément, vous allez avoir une sensibilité de votre trouble de votre tube digestif. Et forcément, les aliments vont être de moins en moins tolérés parce que vous avez une forme d'irritabilité qui s'est créée à force de consommer trop de végétaux. Donc après, à savoir est-ce que c'est une vraie problématique de gluten ou alors est-ce que c'est une modalité de régime qui était mise auparavant et qui fait que vous avez une nouvelle sensibilité, ben ça, je dirais, c'est le travail du clinicien. Avant de proposer un régime, c'est de faire un vrai travail de clinique, d'aller trouver, je dirais, des réponses, des hypothèses, de faire des diagnostics différentiels pour pouvoir mieux accompagner le sujet. J'aimerais votre opinion à l'un et à l'autre, et puis on dira un mot également des compléments alimentaires, qui est une autre partie de ce débat-là. Mais votre opinion sur les régimes détox, ne pas confondre évidemment la boisson étiquetée comme détox que l'on peut trouver soit dans votre restaurant, soit dans votre supermarché, mais des vrais régimes qui se vendent comme étant détoxifiants, qui peuvent parfois aller jusqu'à des jeûnes, voire des régimes de jeûne complets qui peuvent durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Que faut-il penser déjà de la qualification détox ou détoxifiant selon vous, Claire Godichon? Bon, ouais, Moi, j'ai l'impression qu'il y a un fantasme quand même dans la population sur ce qui est toxique. D'ailleurs, souvent, les gens disent « j'élimine mes toxines, dans ce régime-là, il y a moins de toxines ». En fait, c'est une sorte de fantasme et les toxines, les gens ne savent pas très bien ce que c'est. Hein. À l'origine, les toxines, c'est quand même des molécules toxiques, souvent qui sont sécrétées par des bactéries ou des champignons. Hein. Et donc, les gens utilisent le mot « toxine » comme ça, un peu à tout va, sans que c'est vraiment de réalité. Alors, les régimes détoxifiants, souvent sont les gens utilisent des jeûnes hein, prolongés. Parfois c'est juste voilà. Des jus et des ouais. Mélanges de en légumes disant, et de fruits. En disant, je vais me purger, je vais attendre que tout s'élimine. Bon, encore une fois, si c'est sur des périodes courtes, pourquoi pas. Si c'est sur des périodes longues, ça se discute. Hein. Il peut y avoir quand même, faire une restriction calorique totale pendant plus d'une ou deux semaines, ça peut être dangereux. Donc, voilà. Bon, si c'est un ou deux jours ou trois jours, c'est peut-être pas bon. Faut faire gaffe. Hein. Tout le monde peut avoir une hypoglycémie, mais bon. Nicolas Sahuc, sur cette notion de détoxification, de détox, de détoxifiant, est-ce que ça a un sens diététique, nutritionnel? Est-ce qu'effectivement, on peut dire que, après tout, faire attention et se faire des smoothies avec des orties, des carottes et des fraises, c'est pas plus mauvais pour la santé que ça? Ou est-ce qu'il y a un moment donné, il faut faire quand même attention à l'équilibre nutritionnel de ce qu'on ingère? Non, obligatoirement, il y a une nécessité parce que de cet équilibre nutritionnel, parce que l'organisme a besoin de plusieurs choses, comme j'expliquais tout à l'heure, et de plusieurs micronutriments, et on le trouve dans divers aliments. Le problématique aujourd'hui de ces régimes détoxifiés, c'est qu'ils sont à nouveau produits par des gens qui se disent maintenant influenceurs. Vous savez, vous regardez Internet, vous regardez Facebook, Instagram, vous avez toute une frange de la population qui sont dits influenceurs et qui vont avoir une influence sur tous leurs followers. Et ça, c'est très dangereux. C'est cette manière un peu de gourou qui se met en place sans validité scientifique. Mais comme aujourd'hui, nous sommes dans un paradoxe où on est en train de lutter contre l'obésité, donc de prôner finalement l'attention sur le poids, l'image du corps à côté, ben, vous avez toute cette dérive sur ces régimes et la bonne alimentation devient légion dans ce comportement. Sauf qu'on, comme je disais, on n'interroge pas l'intentionnalité, on ne mesure pas l'incidence sur la qualité de vie de ces individus. Certes, on est très heureux de voir que les chiffres de l'obésité n'augmentent plus. Par contre, moi, je suis beaucoup plus précautionneux parce que je dis, mais finalement, est-ce qu'on est allé voir un petit peu les comportements alimentaires? Et pour l'instant, il n'y a pas d'études dans ce domaine-là. C'est que oui, on a une population qui n'augmente plus au niveau du poids, mais par contre, on ne sait pas ce qu'il en est sur le comportement alimentaire. Et pourtant, tous les deux, vous dites bien que vous avez l'impression qu'il y a une augmentation de cette problématique. Il va falloir aller voir tout ça plus précisément. J'aimerais qu'on dise, il nous reste quelques minutes, j'aimerais qu'on dise un mot tout de même d'une autre partie importante, celle dite des compléments alimentaires, hein, qui sont un marché extrêmement florissant. On est passé de 1 milliard d'euros en 2010 à près de 2 milliards d'euros en France en 2017. Il y a eu un certain nombre de recommandations sur ces compléments alimentaires de la part de l'ANSES, de l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire. De quoi parle-t-on quand on parle de compléments alimentaires et pourquoi faut-il s'en méfier, Claire Godichon? Alors les compléments alimentaires, là encore, hein, il y a plusieurs types de compléments alimentaires. Il y a ce qui est vraiment destiné à complémenter son alimentation en nutriments indispensables. Hein. Alors la plupart, c'est des vitamines, des minéraux, ça peut être des oméga-3. Bon, enfin, c'est principalement des vitamines et des minéraux. Et puis ensuite, vous allez avoir des compléments alimentaires qui sont utilisés pour des questions de bien-être, de santé. Souvent, c'est très souvent des compléments à base de plantes, hein, par exemple. Est-ce qu'il faut s'en méfier? Bon, là encore, on peut pas dire que c'est... effectivement, il faut pas se survitaminer, surcomplémenter, mais prendre un peu de compléments alimentaires, ça... Bon. A priori, ça n'a pas des effets néfastes reconnus, sauf si on passe très au-delà, parce qu'il y a certaines vitamines, hein, faut le savoir, et certains minéraux pour lesquels, au-delà d'une certaine limite, mais enfin, il faut déjà bien se complémenter, qui ont des toxicités reconnues. Mais Nicolas Sahuc, ces compléments, ou notre rapport à ces compléments alimentaires, ça participe un peu de cet effet de dire il faut apporter d'autres choses à l'alimentation, ou alors c'est parfois pour tenter de combler certaines carences quand on a fait des choix comme comme on le disait, des choix alimentaires type végétarisme ou véganisme. Quel est leur réel impact sur la santé? Est-ce que ça peut servir à combler ces carences? Est-ce que on a besoin aujourd'hui, en 2018 en France, d'avoir des compléments alimentaires pour rétablir des carences qui ne se feraient pas naturellement par notre alimentation quotidienne? Voilà, c'est-à-dire que si votre alimentation est carencée en un groupe d'aliments, bien sûr que les compléments alimentaires peuvent venir compléter cette alimentation si vous avez un manque. Aujourd'hui, on a quand même une population française qui arrive à avoir un accès à la nourriture en quantité et en énergie suffisante, plutôt assez bien variée. Donc il n'y a pas vraiment de justification de consommer ces types de compléments alimentaires, sauf si vous avez une vulnérabilité, sauf si vous êtes dans un état pathologique du corps et qui fait que votre alimentation va être impactée. Je crois qu'il faut vraiment questionner plutôt aujourd'hui les gens qui sont dans un fantasme de l'organisme. Vous voyez, je questionnais un peu cette idée de l'immortalité, ne plus tomber malade, supprimer la souffrance, etc. Je crois qu'on est vraiment dans une population qui se cristallise autour de ce corps en ne le comprenant pas réellement, même si la science évolue. Et donc, on y va de tous les fantasmes. Et comme toujours, vous le savez très bien, et vous faites une émission vis-à-vis de ça, c'est que il faut enlever tous les fantasmes et arrêter de faire diffuser des fake news, des informations sur le corps, sur le fonctionnement d'un corps qui est pas très bonne, parce que les gens qui sont en souffrance vont se puiser ces informations-là et vont mettre en place des stratégies alimentaires qui vont être problématiques. Donc les régimes détox, les compléments alimentaires aussi, ne sont à utiliser que dans des situations bien particulières, après avoir une évaluation médicale. Médical, voilà, ou d'un nutritionniste ou d'un diététicien. Peut-être un mot pour dire par exemple qu'un complément alimentaire qui était très très en vogue, la spiruline, qui est une petite algue qu'on a recommandée notamment comme source de vitamine B12 pour les personnes qui ont arrêté de manger de la viande. L'ANSES a mis en garde récemment contre cette spiruline en disant que c'était pas une source fiable de vitamine B12 parce que la vitamine qui était contenue dans la spiruline était une substance analogue mais totalement inactive sur le corps humain. Donc ça veut dire qu'il faut faire un peu plus attention à ce qui nous est vendu, Nicolas Sahuc, par les industriels. Mais tout à fait. Et puis surtout, comme le disait Mme Bodichot tout à l'heure, on a une croyance sur la toxicité des aliments. Vous voyez, il suffit qu'il y ait telle molécule dans l'aliment, donc je vais tomber malade, je risque de développer un cancer, ou je vais manger telle molécule et je vais avoir cette super vitamine B12 concernant la spiruline. En fait, il faut bien se rappeler que dans un organisme, nous avons des seuils. Et que si vous n'atteignez pas un seuil de toxicité, si vous n'atteignez pas un seuil suffisant pour d'autres micronutriments, vous n'aurez pas de réelle efficacité sur la consommation. Et en fait, on leurre les gens en leur vendant des compléments alimentaires dans lesquels vous pourriez manger vous pourriez avoir une alimentation tout à fait diversifiée, vous couvrirez la même chose sans avoir besoin d'acheter des compléments alimentaires. Il y a une industrie, vous savez, je suis très étonné, sur les réseaux sociaux, je suis souvent contacté par des personnes qui n'ont fait qu'une école de commerce ou qui se sont lancés dans la nutrition en vantant des produits ou des modes alimentaires, des régimes, des coachs, comme on le disait tout à l'heure. Ce que Claire Godichon disait tout à l'heure. De science. Donc voilà, c'est aujourd'hui on est face à ce vrai problème. Claire Godichon, pour conclure sur ces compléments alimentaires. Oui, bon, vous évoquiez la spiruline. Alors la spiruline sur l'avis de l'ANSES, il mettait juste en garde sur le fait qu'il pouvait éventuellement y avoir des cyanotoxines si jamais le produit était mal préparé. Bon, mais sinon il n'y a pas de problème particulier. Et effectivement, par contre, il disait que si on le prend pour l'apport en vitamine, B12. Voilà, en vitamine B12, c'est peut-être pas le meilleur complément. Bon, globalement, il faut on peut effectivement se supplémenter. Il faut essayer de savoir pourquoi on le fait. Si on le fait de manière pas trop importante, il ne doit pas y avoir de problème. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Claire Godichon, merci Nicolas Sahuc d'avoir été en ligne avec nous depuis Nîmes. Et puis bientôt, vous l'évoquiez tout à l'heure Nicolas Sahuc, bientôt les idées claires, vous savez, le podcast du mercredi qui est consacré justement à la lutte contre la désinformation et les fake news. On va tenter de vous proposer un sujet sur des idées claires, intitulé « Mange-t-on moins bien aujourd'hui qu'hier ?» Vous allez voir que la réponse n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Merci beaucoup à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Sarah Higemans, Antoine Beauchamp, Néminé Guet de Saint-Ville, Francine Lausanne, Eve Etienne, Lise Combe, à la réalisation, Emmanuel Morse d'Incan à la technique. La suite de vos aventures sur France Culture. Dans un instant, c'est une très très belle nouvelle série documentaire cette semaine, signée Arnaud Contreras et Guillaume Baldi, marin, qui vous explique en 4 épisodes, comme chaque semaine, toute la vie de ces gens qui vivent sur l'eau. C'est vraiment une belle série documentaire qu'on vous conseille d'écouter tout de suite sur France Culture. Dans un instant, tout à l'heure, pardon, après le journal de 18h, ce sera Du Grain à Moudre avec Hervé Gardette. Et pour ce qui nous concerne, demain, nous parlerons de la forêt, les pieds dans l'eau, qui, comme tous ces écosystèmes intermédiaires, sont les plus fragilisés par la pollution et le réchauffement climatique. Il sera question de la mangrove demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.